Chapitre 5. Le départ de Georges décidé. Quand la cloche sonna le dîner, les enfants descendirent dans la salle à manger. Monsieur Dormer les y rejoignit bientôt. À la grande surprise de Geneviève, il s'approcha d'elle et lui sourit amicalement. Monsieur Dormer. Eh bien, Geneviève, tu sais que je vais te séparer de ton cousin. Geneviève. Oui, mon oncle, il me l'a dit, et je suis bien fâchée de le quitter. Monsieur Dormer. Je croyais au contraire que tu serais très contente, car vous n'êtes pas toujours de bon accord. Geneviève. Nous nous disputons quelquefois, mon oncle, c'est vrai. Mais nous sommes bien contents de jouer ensemble, n'est-ce pas, Georges? Georges. Oui, mais j'aime mieux jouer avec des garçons. Monsieur Dormer. Tu n'es donc pas triste d'entrer au collège? Georges. Non, papa. Je suis fâché de vous quitter, voilà tout. Dans quel collège me mettrez-vous, papa? Monsieur Dormer. Je ne sais pas encore, mon pauvre ami. Je m'informerai demain s'il y a de la place pour toi au collège des pères jésuites. Georges. Celui où est mon cousin Jacques? Monsieur Dormer. Précisément, on dit que les enfants y sont heureux et qu'ils aiment beaucoup les pères. Georges. Jacques les aime bien. Il dit qu'ils sont bons comme de vrais pères. Mais mon cousin Rodolphe dit qu'il faut travailler énormément. Monsieur Dormer. Il faut travailler partout, mon ami. Georges. Mais Rodolphe est puni très souvent. Geneviève. Je crois bien, il ne fait rien. Il t'a dit à sa dernière sortie qu'il n'apprenait pas ses leçons et qu'il ne les apprendrait pas, car cela l'ennuyait trop. Georges. C'est qu'il en a trop à apprendre et il est découragé. Geneviève. Jacques a justement les mêmes choses à apprendre et il trouve qu'il n'y en a pas trop. Georges. Parce que Jacques est un fort, il est toujours premier ou second. Monsieur Dormer. Écoute, mon ami, si Jacques est premier ou second, c'est parce qu'il travaille bien de tout son cœur. Fais comme lui, tu seras aussi un fort et tu seras heureux comme lui. Georges. Et s'il n'y a pas de place chez les pères jésuites, où me mettrez-vous, papa? Monsieur Dormer. Je ne sais pas, je verrai. Georges. Vous vous dépêcherez un peu, papa, n'est-ce pas? Monsieur Dormer. Tu es donc bien pressé de me quitter. Georges. Non, papa, mais je voudrais jouer avec des camarades. Je m'ennuie avec Geneviève. Monsieur Dormer parut contrarié, mais il ne répondit pas. Geneviève était étonnée. Le dîner ne fut pas gai. Georges seul parlait pour expliquer à sa cousine combien sa vie de collège serait plus amusante que celle qu'il avait menée jusqu'ici. Geneviève répondait à peine, parce qu'elle voyait que son oncle était de plus en plus contrarié. Quelques jours se passèrent ainsi. Monsieur Dormer fit une petite absence pour parler au père recteur. Il y avait encore deux places vacantes, et tout fut convenu pour que Georges pût être reçu au collège la semaine suivante. Au retour de Monsieur Dormer, quand Georges apprit qu'il entrerait sous peu de jours au collège, il ne put cacher sa joie, et il reprocha à Geneviève de ne pas la partager. Geneviève. Comment veux-tu que je me réjouisse de te voir partir? Georges. Tu devrais être enchantée, puisque tu dis toi-même que je te fais toujours gronder. Geneviève. Mais je ne pense plus au passé, je pense seulement que je ne te verrai plus. Et puis mon pauvre oncle est tout triste, cela me fait de la peine. Georges. Que tu es bête! Qu'est-ce que cela te fait, puisqu'il ne t'aime pas et que tu ne l'aimes pas non plus? Geneviève. Oui, je l'aime, parce qu'il est mon oncle et qu'il est souvent bon pour moi. Et je crois qu'il m'aime un peu. Quand le départ de Georges fut décidé, Monsieur Dormer mena ses enfants faire des visites d'adieu. Madame de Saint-Émar, Mademoiselle Primrose et les deux enfants étaient assis devant le château quand Monsieur Dormer arriva. Après les premières paroles de politesse, Monsieur Dormer dit « Je viens vous annoncer, chère madame et chère cousine, le départ de Georges. » « Le départ de Georges !» s'écria Madame de Saint-Émar. « Où le menez-vous donc ?» Monsieur Dormer. « Au collège des pères jésuites, chère madame. » Mademoiselle Primrose. « Bon Dieu, pourquoi cela? Mais c'est très mal de renvoyer de chez vous votre fils, votre seul enfant. Ce pauvre garçon, je le plains de tout mon cœur. » Monsieur Dormer. « Vous avez tort, ma cousine, car il est enchanté. Il me presse de l'y faire entrer le plus tôt possible. » mademoiselle Primrose. Mais c'est incroyable. Comment? Il n'est pas au désespoir. Monsieur Dormer. Pas le moins du monde, puisque je vous dis qu'il voudrait déjà y être. Mademoiselle Primrose. Je ne le croirai que lorsqu'il me l'aura dit lui-même. Georges, Georges, où est-il donc? Les voilà tous partis. Je cours les chercher et savoir par moi-même si vous dites vrai. Mademoiselle Primrose partit précipitamment en répétant toujours « C'est impossible, absolument impossible !» Après un quart d'heure de course, essoufflée, hors d'haleine, elle rejoignit enfin les enfants. Elle se précipita sur Georges, le serra dans ses bras en l'embrassant. « Georges, mon pauvre Georges, est-il vrai que ton père veuille te mettre au collège? Malheureux enfant, mais c'est impossible, t'arracher de la maison paternelle, te séparer de Geneviève, ta sœur d'adoption, ta meilleure amie. Non, pauvre victime, je ne permettrai pas une pareille cruauté. Viens avec moi te jeter aux pieds de ton père et implorer sa pitié. » Georges, surpris, presque effrayé de cette douleur qui lui paraissait ridicule, se débattait de toutes ses forces, mais il ne pouvait parvenir à se débarrasser des gros bras vigoureux de mademoiselle Primrose. Les autres enfants, même Geneviève, riaient tout bas et ne comprenaient pas l'indignation et la douleur de mademoiselle Primrose. Georges venait de leur exprimer sa satisfaction d'entrer au collège. Louis et Hélène approuvaient beaucoup l'idée de monsieur Dormer. Geneviève, tout en témoignant ses regrets de se séparer de son cousin, trouvait sa joie naturelle et ne comprenait pas plus que ses amis les exclamations désolées de mademoiselle Primrose. Georges parvint enfin à se dégager à moitié. « Lâchez-moi donc, ma cousine, cria-t-il, vous m'étouffez !» Il donna une dernière saccade, la secousse fit trébucher mademoiselle Primrose et fit tomber Georges sur l'herbe de tout son long. Il se releva, s'éloigna de quelques pas pour ne pas se trouver saisi une seconde fois, et la regarda avec surprise. « Georges, qu'avez-vous donc, ma cousine? Pourquoi ne voulez-vous pas me laisser entrer au collège? Je ne veux pas du tout demander à papa de me garder chez lui. » Mademoiselle Primrose. « Tu ne veux pas, tu veux nous quitter. Mais que deviendras-tu au collège, petit malheureux ? » Georges. « Ce que deviennent ceux qui y sont, ma cousine. Je travaillerai, je jouerai, je me promènerai, je serai très heureux. » Mademoiselle Primrose. « Heureux, dans une prison. » Georges riant. « Une prison ! Je veux aller dans cette prison, moi, et je vous prie en grâce, ma cousine, de ne pas m'empêcher d'y entrer. » Mademoiselle Primrose était stupéfaite. « C'est incroyable, ils sont fous en vérité. Le père est calme comme un chef de sauvage, et le fils tend le cou pour être mis à la chaîne. « C'est bien, mon ami, faites comme vous voudrez, je ne me mêlerai plus de vos affaires. Allez, allez, je ne vous retiens plus. » « Merci, ma cousine !» s'écria Georges. Et il s'éloigna en courant. Les trois enfants le suivirent. Elle put entendre leurs éclats de rire qui se prolongèrent une grande distance. « Faites donc du bien aux gens malgré eux, » disait-elle en s'en allant lentement du côté de la maison. « J'y ai gagné d'avoir des douleurs dans les bras. Est-il fort, ce garçon? J'avais une peine à le retenir. Et quelle ingratitude! Au lieu de me remercier, il me rit au nez. Et tous les trois se moquent probablement de ma bonté. Au fait, le père a raison. Que faire d'un pareil sans cœur? Et le père n'en a guère plus que le fils. Ma foi, je ne m'en mêle plus. » Et finissant ses réflexions, mademoiselle Primrose entra au salon, où elle trouva monsieur Dormer, causant tranquillement avec madame de Saint-Aymar. Mademoiselle Primrose. « Vous aviez raison, mon cousin. Georges a un courage héroïque, à moins que... » Monsieur Dormer. « À moins que quoi, ma cousine ? » Mademoiselle Primrose. « À moins que... » « Mais non, je ne peux pas vous dire ce que je pense, c'est inutile. » Monsieur Dormer. « Si votre pensée est bonne, ma cousine, pourquoi ne voulez-vous pas m'en faire profiter ? » Mademoiselle Primrose. « Parce que... vous-même, vous n'avez peut-être pas... » « Non. Décidément, j'aime mieux me taire. C'est plus sûr. » Monsieur Dormer. « Comment plus sûr? C'est donc bien désagréable pour moi que vous n'osez pas me le dire. » Mademoiselle Primrose. « Oh, je n'ose pas, c'est une manière de parler. Si je le voulais, je vous le dirais bien. Mais il y a certaines personnes auxquelles... avec lesquelles... Enfin, décidément, je me tais. Et pour ne pas parler, je me sauve. » Mademoiselle Primrose fit une lourde pirouette et rentra dans sa chambre. « Cet homme n'a pas plus de cœur qu'un tigre, » pensa-t-elle. « Il chasse son fils avec une insouciance, une gaieté. C'est incroyable. C'est ce que je voulais lui dire et que j'ai eu raison de garder pour moi. » Peu de temps après, les enfants rentrèrent. Monsieur Dormer demanda sa voiture et ils firent leurs adieux.